J'ai tourné, tourné dans la tête. Fallait que j'avitaille des tas. Ça fume aquarium dans la caisse. Que de la frappe en bas son corps. J'ai tout dans les couilles et la tête, boy. Que je ferais pour des sommes. J'ai pas besoin de prendre un gramme de cesse, boy. Venir faire sa peau. J'ai tourné, tourné dans la tête. Il fallait que j'avitaille des tas. Ça fume aquarium dans la caisse. Y'a que de la frappe en bas son corps. J'ai tout dans les couilles et la tête, boy. Que je ferais pour des sommes. J'ai pas besoin de prendre un gramme de cesse, boy. Venir faire sa peau. La TC m'appelle sur messagerie, c'est connu à 17 ans, short et dia solo du dépôt. Augmenter les délits malgré ce qu'on a commis. Voilà, je pouvais pas dire un plat sur mes dépôts seuls. J'ai connu les vrais et les suceurs, beau parleur, ceux qui partaient gantés en traceur. Blarney devant toi, il fait se rappeler son frérot, mais derrière il essaye de fréquenter ta soeur. Chez nous, ça bucrave toute l'année, le rêve des bacs, c'est tout souvent condamné. Imbécile, les poucaves, ils méritent de canner. Je laisse pas trace sur bigot, les cons dévalent cramer les fesses. Si c'est pas pour des chins, j'serai à deux doigts de le faire. Cagouler dans l'auto, je suis venu pour tous les faire. J'calcule pas ta vie encore, moi tes commentaires. Même à terre, je remonte quand tu sais plus comment faire. La micelle t'a donné un go, ça vient derrière ton dos, si t'as de la chance, il va pas tirer. Cagoulé sur la moto, le doigt sur la détente. Voilà que j'en ai vu peu s'en tirer. La micelle t'a donné un goût, ça vient derrière ton dos. Si t'as de la chance, il va pas tirer. Cagoulé sur la moto, le doigt sur la détente. J'ai tourné, tourné dans la tête. Fallait que j'avitaille des tas. Ça fume aquarium dans la caisse. Que de la frappe en bas son corps. J'ai tout dans les couilles et la tête, boy. Que je ferais pour des sommes. J'ai pas besoin de prendre un gramme de cesse, boy. Venir faire sa peau. J'ai tourné, tourné dans la tête. Il fallait que j'avitaille des tas. Ça fume aquarium dans la caisse. Que de la frappe en bas son corps. J'ai tout dans les couilles et la tête, boy. Que je ferais pour des sommes. J'ai pas besoin de prendre un gramme de cesse, boy. Pour venir faire sa peau. Posé, produit, cellophane et armé jusqu'au poignet. Une perte et je repars à la source. Voilà, plein hiver, je me réchauffe dans le four. Bonne depuis long, calé à deux pas de la tour. Plus petit, je voulais percer sur le terrain en ballon. Aujourd'hui, je ravitaille le terrain d'en bas. Je me rappelle des soirs quand j'ai taillé dans le salon. À 6h, j'avais peur des croisés en bas. Hey, c'est fini les temps où ça se posait. C'est pas du mytho, les descentes, chauves et prises en étau. J'ai toujours regretté quand chez moi, y'avait tout le comme les cons. Sur le rang, buteur comme Samuel et tout. Reconnu des temps sur trafic de style. Tu pousseras, j'ai plus d'hiver, j'ai grandi dans ça. Je vais pas te raconter tout ce qu'on a fait. Du sale et des saletés avec mes vrais gars dans le stade. Zéro, toi même, tu sais qu'on est bon dans le fond. Je regrette juste quelques fréquences. Tentation d'enfance, à la base je te dis même pas ce que j'ai dans le fond. Mon neurote, la mentale, gros tout est dans le sang. Gros tout est dans le sac, aucun trou dans les comptes. Où tu dors dans le sas. Où tu dors dans le sas, aucun trou dans les comptes. Où tu dors dans le sas. J'ai tourné, tourné dans la tête. Fallait que j'avitaille des tas. Ça fume aquarium dans la caisse. Que de la frappe en bas son corps. J'ai tout dans les couilles et la tête, boy. Que je ferais pour des sommes. J'ai pas besoin de prendre un gramme de cesse, boy. Venir faire ta peau. J'ai tourné, tourné dans la tête. Il fallait que j'avitaille des tas. Ça fume aquarium dans la caisse. Y'a que de la frappe en bas son corps. J'ai tout dans les couilles et la tête, boy. Que je ferais pour des sommes. J'ai pas besoin de prendre un gramme de cesse, boy. Venir faire ta peau.